Le phare trembla de la base au sommet. J'entendis le vieux qui gueulait mon nom là-haut. La casque qui se brise, que je m'écriais. Nous sommes foutus. Un tour du monde des phares. Troisième épisode. Gardien de tous les pays. Allô, le phare de l'île aux moutons, le phare de l'île aux moutons. Allô, le phare d'Armen. Allô, le phare de l'île Vierge. Allô, le phare des pierres noires. Allô, le phare du Créache, le phare du Créache. Allô, le phare de Kéréon. Bonsoir, messieurs. Heureusement, maintenant, ils ont la radio, hein. Il n'y a pas longtemps, hein. Ça leur fait une compagnie, quoi. Tous les jours, ils discutent avec le phare de balisage à Brest, là. La speakerine de Brest, hein, elle a une jolie voix, hein. Oui, quand même. Elle a une jolie voix, hein. Ça les fait rêver un peu, les gardiens. Hein. Oui. Allô, le phare de la vieille, ici le parc de balisage. Bonsoir, messieurs, je vous écoute. Allô, le phare de la vieille, bonsoir, Israël, bonsoir à tous. À la vieille, vent d'ouest, force 2, mer houleuse, ciel nuageux, j'écoute. Bien reçu, vent d'ouest, force 2, mer houleuse, ciel nuageux, merci. Allô, le phare du four, le phare du four, bonsoir, messieurs, je vous écoute. Allô, le phare du four, bonsoir, mademoiselle, bien reçu. Les habitants en Vendouette, porte 3, mer houleuse et ciel nuageux. Si vous pouviez prévenir Madame Pellet que son mari ne pourra pas encore rentrer aujourd'hui. Bien reçu, Vendouette, force 3, mer houleuse, ciel nuageux. D'autre part, Monsieur Pellet ne descend pas aujourd'hui. Alors, Madame Pellet sera prévenue, il peut compter. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. C'est drôle, l'avez-vous remarqué, chaque fois qu'on parle des phares, et plus encore des gardiens de phares, un tropisme finistérien vient se mettre en place. Sans doute a-t-on beaucoup aimé, apprécié à sa juste valeur le fameux film de Jean Epstein. Auprès de ces feux veille un gardien, homme dévoué à tous, sans distinction de nationalité, race ou couleur. Les gardiens de phare du monde entier forment une grande communauté d'hommes de bonne volonté. Tu vois, de nouveau, ici, on met les réserves. Là, c'est ma chambre. Au-dessus, ce sera la tienne, Victor. Allons, viens, tu n'as pas tout vu. L'ingénieur s'installe là quand il vient en tournée. Bonjour, monsieur l'ingénieur. Bonjour, monsieur l'ingénieur. Là, je m'adresse à notre invité qui nous guide depuis deux jours maintenant, Vincent Guignot, que je pourrais présenter comme l'auteur d'un livre sur Jean Epstein, mais que je présente plutôt comme ingénieur des ponts, comme polytechnicien et pharologue. Oui, je ne vais pas dire que j'ai découvert les phares grâce à Jean Epstein ou Jean Epstein grâce aux phares, mais il y a un lien fort pour moi entre les deux, puisque je me souviens de la salle Jean Epstein qui est dans un phare à Ouessant. Ce film de Jean Epstein, c'est l'un de ses derniers. Il est quasiment inconnu à cette époque, alors qu'il a été un des plus grands cinéastes de ce qu'on a appelé la première vague, hein, de ce cinéma français des années 20. Et ce film est très intéressant parce qu'il met presque en concurrence la parole de l'ingénieur qui vient dire l'histoire des phares, leur rôle pour la navigation, et celle de deux gardiens, un ancien près de la retraite et un jeune dont c'est la première relève au phare de la Jument, et qui racontent eux une autre histoire, une histoire de tempête, une histoire de veille, donc une histoire de gardien. Alors les gardiens, les ingénieurs avaient tendance à les trouver un peu frustres, et ils avaient d'ailleurs des difficultés, ils l'ont répété sans cesse, à recruter des gardiens d'un niveau suffisant. Oui, le phare est un lieu extrêmement technique, technologique même. Les machines de rotation sont des horlogeries extrêmement précises. Il y a des machines électriques pour fournir la lumière, si le phare est électrique. Il faut savoir allumer un feu à pétrole. Donc le métier de gardien est un métier extrêmement technique. Le gardien n'est pas un veilleur qui est là en train de contempler la mer. C'est quelqu'un qui vit auprès d'une machine, et qui doit s'assurer qu'elle fonctionne tous les jours. et il fallait trouver des compétences pour être sûr que ces machines fonctionnent. Et puis il fallait aussi des gens disciplinés, c'est pour ça qu'on aimait bien dans les premiers temps d'anciens marins ou d'anciens militaires, parce qu'il fallait suivre un règlement. Les gardiens ont écrit des textes qui aujourd'hui sont de merveilleuses archives, qui sont des règlements où on décrit point par point tout ce que le gardien doit faire pour entretenir son phare, pour réussir l'allumage du feu. Donc c'est voilà, c'est l'ingénieur, il n'est pas là tous les jours. L'ingénieur écossais Robert Stevenson doutait beaucoup de l'invention de Fresnel en disant ça marche à Paris avec des savants, mais quand on mettra ça dans un phare très éloigné en mer, qu'est-ce qui est garanti que ça va fonctionner tous les jours? Donc c'est ce besoin de régularité, de précision, d'ordre va toujours agiter les ingénieurs dans la question de quel est le bon gardien à mettre près de ces machines très complexes. Pour recruter, ce qui n'était pas facile, le statut de fonctionnaire, c'était un avantage, faute d'une rémunération extraordinaire. Et les gardiens sont fonctionnaires, et depuis quand ? Oui, alors, on s'est beaucoup interrogé sur l'organisation économique des phares. Est-ce qu'on doit concéder, comme c'était le cas à Cordouan, est-ce qu'on concède à des entreprises, non seulement la fourniture des matières premières, des huiles, mais également l'emploi du gardien ? Et c'est Léonore Fresnel, le frère d'Augustin, qui est Léonore, le vrai organisateur du service, qui pense que si on veut obtenir des gens fidèles qui viennent tous les soirs allumer le phare, eh bien il faut leur accorder un statut, le statut de fonctionnaire, ce qui va être le cas à partir de 1830. Et Léonce Reynaud, qui va succéder lui à Léonore Fresnel, va dire en plus il faut qu'ils soient logés correctement et près du phare avec leur famille, hein, puisque la plupart des phares sont à terre, sur des câbles, dans des îles, donc il faut loger non seulement le gardien mais également sa famille. Il faut donner des locaux pour que les gens soient fiers de leur métier et soient attachés au fonctionnement du phare. En réalité, ce sont de hauts fonctionnaires. Ce sont de hauts fonctionnaires, comme disait le dernier gardien du phare du Cap Fréhel. Alors, phare à terre, phare en mer, des statuts différents pour les phares, une vie différente pour les gardiens. Totalement différente. Le gardien d'un phare qui est dans une île vit avec sa famille, vit avec ses collègues, alors que le gardien de phare en mer fait des relèves dont la durée a évolué dans le temps. Mais enfin, c'était encore 15 jours au phare, une semaine à terre. Donc un rythme de vie, y compris de vie familiale. Il faudrait parler des femmes de gardiens ou des femmes gardiens de phare. Un rythme de vie très très différent. Entre ces phares qui majoritairement, je répète, ne sont pas en mer. On entend dans l'extrait d'Epstein qu'on va parler de la jument. Donc notre imaginaire phare est très très attaché à ces phares extrêmes, mais la vie de gardien telle qu'on l'a connue sur les côtes de France, telle qu'elle existe encore. On parlait du phare des Mamelles ou du phare du Cap Spartel. Quand je les ai visités, il y avait encore des familles, des enfants qui jouaient dans la cour. C'est cette vie de gardien à terre, sédentaire, est très différente de la vie du gardien de phare en mer. Oui, mais là, vous êtes en train d'ébrécher notre image romantique de la fonction sacerdotale du gardien de phare. Néanmoins, il exerce un rôle extrêmement difficile quand viennent les tempêtes. Alors ceci, c'est extrait d'une production que vous avez assurée pour le musée de la marine qui s'intitule « 12 minutes » avec François Joas-Poutrel. Nous allons avoir en sa compagnie, c'est le gardien de cette île, 3 minutes 23. Et alors le bruit d'un feu à pétrole, quelque chose de tout à fait particulier. Donc ce brûleur, je crois que c'est à 1400 degrés qu'il était porté le brûleur. Donc vaporiser le pétrole, et le pétrole était enflammé dans un manchon en amiante, comme les manchons des camping-gaz, seulement le manchon il est beaucoup plus gros qu'un manchon de camping-gaz, quoi. Et donc ça provoquait un sifflement, un beau bruit, un beau sifflement régulier. D'ailleurs, on savait, Auguste racontait ça, Auguste savait, on savait au bruit que faisait dans les premières minutes de fonctionnement le brûleur, une fois que le feu est allumé, on savait si c'était un joli bruit, comme on disait, on savait que le feu marcherait bien toute la nuit, quoi. Il n'y aurait pas d'incident, il n'y aurait pas justement ce pétrole qui s'enflamme. Et donc ce bruit régulier du feu, ce sifflement du brûleur, faisait qu'on On était en bas, bon, bah, tout en étant à la salle de veille, rien qu'au bruit qui se dégageait là-haut de la lanterne, on savait que tout fonctionnait bien. J'étais tout jeune, je venais de commencer à 21 ans, et c'était en janvier 74. Alors, il faisait tellement mauvais, je me souviens, le gardien-chef, Pierrot, hein, un type très gentil. Ouais, Pierrot m'avait dit, bon, il fait mauvais, tu feras le quart dans la lanterne face à l'optique pour surveiller le brûleur, le feu à pétrole, parce que fallait surtout éviter que le pétrole s'enflamme. Je me souviens, ouais, c'était impressionnant, parce que ce phare, on dit un phare bouge, j'aime pas l'expression un phare bouge, un phare vibre, un phare connaît des oscillations, il est construit pour ça d'ailleurs. Une grande tour comme les EO, effectivement, moi j'avais jamais connu ça, on sentait l'ensemble du bâtiment qui encaissait les vibrations à chaque déferlante, on les sentait remonter jusqu'en haut de la tour, et évidemment, j'étais tout jeune, là, j'étais pas rassuré, je sentais ces coups de boutoir qui tapaient en bas, c'était une grosse tempête de nord-ouest en manche, quoi. Et donc là, c'était sans doute ma première frayeur en mer, et puis tout en essayant de me rassurer, en me disant quand même, bon, ça fait plus de 130 ans qu'il tient, il tiendra bien une nuit de plus. Oui, la François raconte presque l'expérience que Victor dans le film d'Epstein, c'est une première nuit, un peu de frayeur quand on est jeune gardien. François, c'est une grande voix dans le monde des gardiens de phares. Et il a fait toute sa carrière dans les phares en mer. Il a commencé comme auxiliaire. On a un reportage où on le voit, il est jeune gardien à l'école des gardiens de Brest, et il dit que c'est son choix de vie. Et d'ailleurs, il va après faire l'essentiel de sa carrière au Roche-Douvre, donc un endroit complètement perdu dans la Manche, avant ensuite d'aller aux Sept-Îles, qui est un endroit un peu plus hospitalier. Et c'est quelqu'un qui sait transmettre cette vie de gardien, qui est fondée sur des rythmes, hein, le rythme du quart. Les gardiens un gardien n'est jamais seul dans un phare. Les phares en mer, ils sont deux, ils se relaient dans la nuit, ils se croisent pour le repas. Et donc le quart est vraiment ce qui scande la vie du gardien, la journée étant consacrée à l'entretien du matériel. Et puis il y a cette autre scansion qui est celle de la relève, hein, quand un autre gardien vient prendre montant, prend la place du gardien descendant. Et cette relève, elle peut être parfois très spectaculaire ou compliquée. On entendait dans les sons qui échangeaient entre les phares et la subdivision de Brest qu'il faut prévenir une femme que son mari ne va pas rentrer parce que la relève est tout simplement annulée parce que le temps ne le permet pas. Donc cette vie de gardien est très, très rythmée au fond, et parfois il y a cet événement tout à fait extraordinaire qui est la tempête, qui fait l'objet là aussi de nombreux récits tout à fait effrayants de gardiens qui ont cru vraiment que le phare allait être emporté. Jean-Pierre Abraham avait choisi d'être gardien à Armène. C'était Armène ou rien, il en a rapporté un témoignage important, où il parle lui aussi de sa première tempête, et il parle également de l'ambiance qui peut tourner vinaigre à Armène dans les années 1920, en même temps qu'il y avait eu un incendie dans le phare. Une histoire avait marqué, ils étaient trois, l'un s'était disputé avec les deux autres, et rien que pour les embêter, il s'était caché dans le faux plafond de la cuisine, et les deux autres, on pensait qu'il était mort, qu'il avait été emporté. Par une vague, oui. Ouais. Et du coup, ils l'ont exclu. Ils ont dit, ce garçon, il peut plus être des nôtres. Bah, c'est vrai que quand vous passez 15 jours, alors pas 15 jours, parce que la relève étant toutes les semaines, dans un endroit aussi exigu, faut imaginer ce que c'est qu'un phare en mer. Armène en particulier, c'est vraiment, les surfaces sont tout à fait réduites. Et vous avez cette responsabilité commune, hein, du feu. Partagé, et bien vous vivez en, pas dire en couple, mais il y a des moments où il vaut mieux s'entendre sur, je sais pas, la confection des repas. Les gardiens de phare sont souvent de bons cuisiniers. Il y a une partie de vie commune qui devient en effet très compliquée s'il y a une mauvaise entente. Dans l'équipier, le film de Liorès est également très, très bien rendu entre les deux gardiens qui ont un peu de mal à s'entendre au départ, mais il faut s'accorder parce que sinon la vie au phare peut vite devenir tout à fait infernale. et on se croise en s'envoyant des regards assassins dans le puits de l'escalier. Ça, c'est pas une vie, d'ailleurs, l'escalier. Allons, du courage, allons, allons. Une seconde, une seconde. J'en peux plus, j'arrête, je m'arrête. Allons, allons, Chouki, venez. Ils vont bien, là. Ils doivent pas être loin de la passerelle. Oh. Oh, c'est haut. Oh, oh, c'est encore plus haut. Allez, allez, allez, fils, allez. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. On aura reconnu un extrait du Petit Baigneur de Robert Derry. Les castagniers sont les gardiens, guettent le bruit. Ils n'ont pas de sabots, des fourchaumes dans le puits de l'escalier. Oui, donc Pierre Tornat, qui est le frère de, dans le film de Robert Derry, fait une blague à Louis de Funès hein, en lui faisant monter toutes les marches du phare de Pharaman, en Camargue, pour se rendre compte que bah, dans la journée, le gardien n'est pas en train de veiller son feu, mais il est au pied du phare, dans son logement. Ecmul, là on est en Bretagne, du côté de Pinmar, 307 marches, le record, moins d'une minute. Oui, ils ont inventé le championnat du monde de grimper de phare. Alors, c'est tout à fait spectaculaire, et tous les ans, donc des athlètes de très haut niveau s'essaye à l'exercice. Moi, je m'arrangeais toujours pour avoir le salon du livre à Ouessant en même temps, parce que j'aurais certainement craché mes poumons dans cette affaire, parce que c'est vraiment une épreuve très très difficile. Mais il y a une formation en gymnastique à l'école de Brest, il faut qu'on parle de l'école. Alors en gymnastique, non, mais en matelotage, oui. En effet, on ne devient pas gardien, enfin on ne naît pas gardien de phare, on le devient. Alors on le devenait comment ? Longtemps ça a été par compagnonnage, donc on avait un contrat provisoire, on était auxiliaire et on apprenait auprès des anciens. Et puis le métier devenant, comme je l'ai dit, très très technique, il fallait passer des certificats, par exemple en radiotéléphonie. On a créé après la Deuxième Guerre mondiale des écoles. On en a créé aux Baleines, on en a créé au Cap Griné, et puis à Saint-Nazaire, et puis à Brest. Et pendant un an, les jeunes gardiens, qui pour certains avaient déjà été, comme François Joas-Poutrel précédemment cité, auxiliaires, eh bien, venaient se former pendant un an à l'ensemble des techniques liées à la signalisation et également à des exercices de matelotage. Le gardien, c'est un être hybride entre le terrien et le marin. Il a la vie au phare, en particulier au phare en mer, et celle d'un navire immobile. On fait le quart, donc il faut avoir quelque chose de marin pour accepter cette vie de gardien. Mais en même temps, il faut avoir des compétences techniques très particulières, en particulier le feu à pétrole, qui est quelque chose de très compliqué à allumer. Et si on se rate, eh bien, on fait une flamme et on détruit son optique. Gardien de tous les pays, vous avez interrogé pour RFI, une émission de Valérie Nivelon, un fils de gardien de phare sénégalais, Amadou. Oui, à Madoussi, j'avais trouvé dans les archives une photo où on le voyait en formation. Et donc, je suis parti à Dakar chercher à Madoussi. C'est une vieille photo de mon père avec cette tenue de gardien de phare, sa casquette. Bon, son cousin qui est derrière là, qui par la suite a fini par être gardien de phare. La photo, je crois qu'elle date des années 75. Je l'ai prise moi-même au phare. Et ça, c'est aussi vraiment un souvenir. Hein. Étant un fils de gardien de phare, petit à petit, j'ai demandé de remplacer des gardiens qui sont en congé. Voilà, c'est venu comme ça. Et puis est venu le temps de l'école de Brest. J'ai devant moi aussi une belle photo de l'école. Bon, je vois qu'il manque quelques élèves. Il y a le directeur, bon, les deux formateurs, il y a un autre formateur qui n'est pas là. C'est à peu près tout le monde qui est là. Alors on vous reconnaît hein, au milieu de la photo. Oui. Quel est votre signe caractéristique? Mais bien sûr, le signe caractéristique, c'est que je suis le seul noir, hein, le seul africain. Quoi. Non, vous en avez un autre signe caractéristique. Ah, le bonnet que j'aimais, ça, le bonnet que j'aimais, c'est parce qu'il fait très froid à Brest. Vous êtes arrivé à Brest à quelle période? Je crois que c'est l'hiver que je suis arrivé à Brest, ou bien la fin de l'hiver. De toute façon, il faisait très froid à Brest. Il s'est porté un peu mal, ce froid avec l'humidité. Bon, ce qui m'a motivé, c'est, comme tout élève, hein, être parmi les meilleurs, et surtout comme c'est une formation qui va aboutir sur un travail. Vraiment, on était motivés. J'ai travaillé bien. Les cours à l'école, c'était l'électricité, tenue de la mer, c'est-à-dire le matelotage, et la formation mécanique. Et une formation générale d'ouvriers de balisage, bon, la peinture, un peu la maçonnerie, et faire des pièces. En gros, bon, on voulait que l'agent des phares puisse quand même être en mesure d'arranger beaucoup de choses avant l'intervention le lendemain des spécialistes. Mais ces gardiens africains sont restés en poste dans leur phare jusqu'à l'automne. L'automatisation de ceci, est venue en même temps que sur les côtes européennes. Non, il y a certains pays où l'automatisation n'est pas complète et où les gardiens vivent encore avec leur famille dans les phares. On est là dans le cas de pays où, dans les phares impériaux, il y avait souvent un chef de phare issu de la métropole et ce qu'on appelait des gardiens autochtones ou gardiens indigènes qui étaient recrutés comme assistants, qui du coup se sont formés et qui ont pris la relève au moment des indépendances, que ce soit dans l'Empire français ou dans l'Empire britannique. Patrimonialisation et automatisation vont de pair. Oui, la question du patrimoine, elle ne se pose pas tant que le phare est habité, tant que les gardiens y vivent avec leur famille. La question du patrimoine devient compliquée quand le phare est vide. Il faut trouver des solutions alternatives, des usages. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un phare, c'est non seulement une tour, mais c'est un certain nombre de logements, des machines qui supportent assez mal de ne plus être entretenus. Il y a des phares qui ont été éteints, puis rallumés pour des raisons patrimoniales. Alors il y a un petit phare à New York qui est sous le pont de Manhattan, qui avait été éteint. Et comme ce petit phare rouge est le héros d'un livre de jeunesse très connu aux États-Unis, les lecteurs se sont mobilisés, ils ont même occupé le phare, et donc le phare a été rallumé presque de manière symbolique. Nous sommes là encore en Amérique du Nord avec une interview de Jean Cloutier. Alors Jean Cloutier fait partie des bénévoles qui animent la vie quotidienne du phare de l'île Verte au Québec, un phare qui date de 1809. Bien, lorsque le gardien est parti dans les années 70, la municipalité, le site a été laissé à l'abandon par la garde côtière. Et la municipalité a demandé pour acquérir le terrain, les maisons du gardien et de l'assistant gardien. Et moi, j'ai commencé le musée du phare de l'île Verte qui, d'année en année, a grossi tranquillement par les rencontres que j'ai faites avec les gardiens puis les objets qu'ils m'ont donné. À chaque étage du phare, j'ai pu ajouter, avec le temps, des maquettes et des panneaux d'interprétation. Puis, au deuxième étage, il y a une grande armoire que j'ai vitrée pour pouvoir voir les différents objets qui m'avaient été confiés par les gardiens. Des objets de leur travail journalier, là, des outils et autres. J'ai la chance de me promener sur le fleuve et pouvoir m'imaginer ce que ça pouvait avoir l'air à l'époque, qu'il y avait juste une lumière fixe et que tout le reste était noir. Aujourd'hui, les villages sont tellement lumineux que le phare de l'île Rouge, avec l'arrière-plan de l'île, pas l'île, mais le village de Rivière-du-Loup, je le vois même plus, le phare, il y a tellement un arrière-plan lumineux. Mais c'est le fun de pouvoir m'imaginer qu'est-ce que ça pouvait être à cette époque-là. On passe du gardien fonctionnaire qu'on évoquait au début de l'émission au gardien bénévole, là, parce qu'il fait partie d'une association, les gardiens de phare de l'île verte. Oui, le Québec et le Canada sont un endroit où la question patrimoniale s'est posée assez fortement. Il y a même une loi qui a été votée pour organiser cette transition. Et ce sont des associations qui, dans le cas du Québec, sont regroupées dans une corporation qui ont pris la relève et qui ont repris les bâtiments, qui les ont transformés en petits musées, en gîtes, et qui font un travail tout à fait extraordinaire. Alors, vous mettez en parallèle systématiquement le travail autour des phares, avec celui autour des vieux gréements, celui autour des ponts anciens, de la restauration des quais. Mais on ne parle pas du patrimoine sonore de la signalisation. Et celui-ci risque aussi de passer à l'as. Ah oui, souvent je demandais quel est le patrimoine le plus menacé. Alors on va dire c'est un phare en mer en Bretagne, mais il y a d'autres patrimoines des phares qui sont menacés. Le patrimoine de la radionavigation, les radiophares ont disparu. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? On entend une corne de brume. Il n'y a plus aujourd'hui pour les services des phares dans le monde d'obligation d'entretenir ces signaux sonores. Ils ne sont plus considérés comme pertinents pour les marins. Donc, ils s'éteignent. Les bouées à cloche aussi. Des bouées à cloche, parfois, elles dérangent les riverains. Donc, on les a aussi retirées, remplacées par des bouées en plastique. Donc, le silence se fait sur la mer. Je m'en suis rendu compte un jour, à Saint-Malo, la corne de brume ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait une brume à couper au couteau et pas de son. Et là j'ai réalisé qu'en fait, la corne de brume du Môle des Noirs n'était plus en fonction. Et sans parler du patrimoine immatériel, la mémoire des gardiens, les savoir-faire, qui sont le vrai patrimoine en danger, c'est le patrimoine humain. Tout de même, il y a quelques musées des phares, Vincent Quiguenot. Oui, il y en a quelques-uns, mais les visiteurs préfèrent aller au phare lui-même. Donc parfois, il y a au pied du phare des petits centres d'interprétation. Mais quelques pays, alors la France à Ouessant, la Corée du Sud, un très gros musée des phares. Et la Norvège, qui est le pays qui a sans doute fait école, a un musée des phares à Lindesnes, qui anime un réseau de lieux consacrés à la mémoire des phares. Et donc les Norvégiens ont en particulier institué ce qu'ils ont appelé la journée de la corne de brume, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'elle n'était plus en fonction. Donc le musée a demandé le droit de la faire fonctionner. Ils ont mis une petite annonce dans le journal et des milliers de gens ont convergé pour écouter ce concert de cornes de brume qui n'avait plus de vocation de sécurité maritime, mais une vraie dimension culturelle. Cette émission a été préparée par Adèle Kaito, réalisée, y compris pour ce morceau de concert de cornes de brume. Il y en a régulièrement dans un musée des phares en Norvège, par Étienne Bertin à la technique, Juliette Delperroux.